Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'âge d'or de Buñuel, une heure de scandale, 50 ans de censure. En 1930, sort un film dans une salle de cinéma parisienne. Il s'appelle L'âge d'or, donc. Le réalisateur est un jeune Espagnol encore presque inconnu, Luis Buñuel. Il a écrit le scénario avec l'un de ses amis, qui à l'époque n'était pas plus connu que lui, un certain Salvador Dalí. Et L'âge d'or ne reste quelques jours à l'affiche avant d'être interdit pendant 51 ans, la plus longue censure du cinéma français. Ce film, c'est l'histoire d'un amour fou entre un homme et une femme, empêchés par l'État, l'Église et la morale. Une œuvre qui appelle à la révolution contre la société bourgeoise, que les surréalistes André Breton, Paul Éluard, Tristan Tzara, Louis Aragon, Luis Buñuel et quelques autres détestent. Ils veulent l'abattre à coups de scandale. L'âge d'or en est un de leurs plus grands. La France conservatrice trouve en effet le film blasphématoire, judéo-bolchévique, pornographique et satanique. La salle qui le diffuse est saccagée, le film est ensuite interdit. L'âge d'or, c'est donc l'histoire d'un scandale recherché et magnifiquement trouvé, et celle des tout débuts de l'un des plus grands cinéastes du XXe siècle, Luis Buñuel. Notre invité aujourd'hui, Dominique Rabourdin, critique de cinéma, auteur du livre intitulé « Cinéma surréaliste », paru en 2017 chez Jean-Michel Place. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. À quoi penses-tu, Séverine ? Je pensais à toi, à nous deux. Heureuse ? Oui, surtout quand tu es là. Je voudrais te voir à chaque minute de la journée. Venise, septembre 1967. Dans la salle de la Mostra, les lumières se rallument et les spectateurs, par centaines, se mettent à applaudir. Belle de jour vient de leur être projetée. Le dernier film de Luis Buñuel, avec Catherine Deneuve et Michel Piccoli, est en compétition pour le Lion d'Or. Une table est disposée sur la scène, juste sous l'écran. Dans la salle, il y a Visconti, Pasolini, Anna Karina, Marcello Mastroianni, Jane Fonda, des dizaines d'autres actrices, acteurs, producteurs, journalistes et critiques. Piccoli s'assoit à côté de Buñuel. Le cinéaste impressionne, on l'admire. Et lui, flegmatique, comme toujours, répond aux questions des journalistes. Quel est de tous vos films celui qui vous satisfait le plus du point de vue créateur ? En distance, à travers le temps, peut-être le film que je préfère, c'est L'âge d'or, que j'ai fait en 1930, quand j'étais surréaliste. C'était une indépendance d'esprit totale, une grande liberté, une subversion totale, et vraiment... C'était pas mon esprit, c'était l'esprit du groupe. Je me rappelle avec amour de cette époque-là et donc du film. L'âge d'or, Buñuel le sait, il n'y a pas grand monde qui l'a vu, même dans cette salle de connaisseurs. Et pour une bonne raison, il est interdit depuis presque 40 ans. À la question des journalistes, il aurait pu répondre « L'ange exterminateur »,« Viridiana » ou « Le journal d'une femme de chambre ». Que des films que cette assemblée connaît bien. Mais Buñuel est provocateur. Et il préfère dire à cette salle où on s'entasse entre élites du cinéma international que son film le plus réussi est celui qu'ils n'ont pas vu. De ce long métrage de 1967, seules quelques photos en effet circulent. Une femme qui suce les orteils d'une statue, Jésus à la porte d'un château, des squelettes d'archevêques sur des rochers... Certains l'ont vu tout de même dans des cinémathèques d'initiés, mais rares sont ceux qui l'ont découvert au cinéma, à sa sortie, en 1930. C'était une époque où Buñuel n'impressionnait pas encore grand monde. Jean-Claude Carrière, qui a beaucoup travaillé avec lui, fait ici le portrait de ce jeune Espagnol perdu à Paris. Et il est né en 1900. Ça, c'est très commode, parce qu'on sait très exactement quel âge il a à chacun de ses films. Il a l'âge du siècle exactement. Une enfance provinciale, bourgeoise, à Saragosse, où il fait ses études au collège de jésuites. Et puis quand il a 16 ou 17 ans, il vient à Madrid. Et il habite, ça c'est très important dans sa vie, à la résidence étudiante de Madrid, où il se lie d'une amitié très étroite avec Garcia Lorca, Salvador Dalí, Alberti. Enfin, il y a un groupe extrêmement vivant, la jeune génération d'écrivains espagnols de cette époque-là. Bon, ça c'est une période très tumultueuse, très agitée, il fait beaucoup de sport, il rencontre beaucoup de gens, il est boxeur, il est athlète. Donc. Et à 24 ans, en 1924, donc toujours très commode, il vient à Paris. Nous sommes en 1925 et Buñuel est l'un de ceux que la droite française appelle les médecs. Installé dans une chambre, place de la Sorbonne, cet Espagnol de 25 ans a saisi l'occasion de partir à Paris en s'engageant dans un vague organisme de la Société des Nations. Mais ce n'est pas ce poste de bureaucrate qui l'attire, non, c'est Paris elle-même. Pensez donc, 45 000 peintres entre Montmartre et Montparnasse, les cinémas, les cabarets, les théâtres, Picasso, Hemingway, Matisse, Miro, Chagall, Modigliani. Paris, dans les années 20, c'est la capitale artistique du monde. Quand Buñuel se promène avec son physique de boxeur et ses yeux pas tout à fait alignés, il remarque des choses qu'il n'avait jamais vues chez lui en Espagne. Il voit des couples s'embrasser, il en voit même qui vivent ensemble sans être mariés. Sur les terrasses, il lit la revue révolutionnaire surréaliste. On y insulte la religion, on y publie des sondages genre « Où aimez-vous faire l'amour ? Avec qui ? Comment vous masturbez-vous » C'est cette liberté-là que Buñuel est venu chercher. Et pas seul. Non. Son ami Salvador Dalí, un peintre catalan, l'a suivi dans son déménagement. Mais à Paris, dans ces années 20, ne vivent pas que des amateurs du multiculturalisme et de la libération des mœurs. Il y a aussi souvent des camions qui se garent à Montparnasse et des hommes qui en sortent pour se ruer sur les étrangers et les gauchistes, puis qui repartent en trombe. Ce sont les mêmes qui paradent façon militaire en plein Paris. Ce sont les ligues, les canaux du roi, les jeunesses patriotes, le faisceau, racine française du mot fascisme d'ailleurs, la plupart antisémites, évidemment, toutes xénophobes, anticommunistes et inspirées par l'ascension de Mussolini d'abord, d'Hitler ensuite. Bref, à Paris, vivent côte à côte, même s'ils se regardent en chien de faïence, artistes et fascistes. C'est tout de même dans cette ville que Buñuel découvre le cinéma. Il y voit parfois trois fois par jour pour voir les films américains, ceux de Buster Keaton et d'Harold Lloyd, les films allemands aussi, de Pabst et surtout de Fritz Lang. Parce que le cinéma, dit Buñuel, exerce un pouvoir hypnotique. Ajoutant, il affaiblit l'intelligence du spectateur et exerce sur lui une sorte de viol. Alors, c'est avec Dalí, imprégné de l'ébullition artistique parisienne, qu'il écrit son premier film, Un chien andalou. Dalí en parle à la télé en 78. Un chien andalou est sûrement l'œuvre la plus confraternelle que j'ai faite avec Luis Buñuel. Nous l'avons fait en 6 jours. À partir d'un scénario que j'ai écrit en majuscules et dans les grandes lignes. Buñuel l'a lu, a dit « c'est magnifique » et nous avons ajouté des tas de choses. Notre devise était que dans un chien andalou, il n'y ait ni chien ni andalou. Facétieux, Dalí ne dit pas toute la vérité parce que ce scénario, il l'a écrit avec Buñuel. En 1928, ils sont ensemble à Figueras, en Catalogne, chez Dalí. Et un matin, Buñuel raconte un de ses rêves. Un nuage effilé qui coupe la lune, puis un rasoir qui coupe un œil. Dalí lance dans la foulée. Et si nous en faisions un film ? Buñuel et Dalí se mettent alors à l'écriture d'un scénario qui raconte effectivement des rêves et qui, comme dans tous les rêves, n'a pas de cohérence. Il n'y a qu'une règle, refuser toute image explicable. Il boucle l'écriture en une semaine, Buñuel demande de l'argent à sa mère, et voilà le film tourné au studio de Billancourt, avec des acteurs qui s'exécutent sans bien comprendre ce qu'on leur demande. Par exemple, tâter une main coupée avec un bâton, traîner des ânes morts sur des pianos à queue, ou caresser des seins avec du sang à la bouche. Ce film étrange est projeté dans une salle parisienne. Derrière l'écran, Buñuel passe des morceaux de tango et du Wagner. Parmi les spectateurs, il y a Picasso, Le Corbusier, Cocteau. Excusez du peu. Puis un jour, Louis Aragon et Man Ray, un photographe américain, reviennent avec leurs amis. André Breton, Paul Éluard, Max Ernst, René Magritte. Une clique révolutionnaire qui s'est fait appeler les surréalistes. Ce jour-là, Buñuel est nerveux. Derrière l'écran, passant ses tangos, il tient des cailloux dans sa poche. Si les surréalistes ne sont pas contents, il les leur jettera au visage. Mais une fois le film terminé, au contraire, c'est l'ovation. Alors Buñuel laisse tomber les cailloux. Et le producteur Ricardo Urgoiti se souvient. J'ai rencontré Buñuel, c'était à l'occasion de la première de son film « Un chien andalou ». Le public, naturellement, quand il a vu ce film terrible, surtout avec cette scène, de la lame de rasoir coupant l'œil, il faisait oh, comme ça, tout le monde faisait. Enfin, tout le monde était terrifié, il ne comprenait pas le film, mais quand même, ça a eu un grand succès. Je me rappelle bien qu'à la fin de la séance, Quelqu'un a demandé, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nous ne comprenons rien. Alors Buñuel, avec son air farouche comme toujours, il a dit, eh bien, c'est très simple. C'est une invitation au crime et au viol. Une invitation au crime et au viol. Voilà qui a tout pour plaire à cet étrange mouvement qu'est le surréalisme. Mais qu'est-ce que c'est que le surréalisme exactement? Des décennies plus tard, Buñuel répondra nostalgique, c'est un mouvement poétique, révolutionnaire et moral, un groupe ardent et fier, inoubliable. Nous sommes en 1929, la guerre s'est terminée un beau jour de novembre 1918 et depuis se répand en Paris une révolution artistique, le surréalisme et son ancêtre, le dadaïsme. À la tête de ces mouvements, il y a une poignée d'hommes, les écrivains André Breton et Tristan Tzara, le peintre Francis Picabia, Louis Aragon, et quelques autres. Et il s'agit bien pour eux de rejeter les conventions et provoquer le scandale. Ainsi, Marchène Duchamp expose des urinoirs, Breton écrit en faisant l'amour, ses amis et lui invitent Paris à des pièces de théâtre, le tout Paris, des pièces qu'ils n'ont jamais répétées, et se rasent la tête devant le public qui leur jette des tomates et des côtelettes de veau en rigolant. Ce qui fascine les surréalistes, qui sont d'abord des artistes doués, c'est le rêve. Parce que c'est un univers qui échappe à la raison et aux conventions. L'acte le plus surréaliste qui soit, le moins cohérent et le moins conventionnel, c'est, dit Breton, descendre dans la rue, pistolet au poing et tirer au hasard, et tant qu'on peut dans la foule. Mais il ne faut pas s'y tromper. Leur but n'est pas de rivaliser de bizarreries. Non, ils veulent changer le monde, renverser l'ordre bourgeois, les contraintes de l'Église, de l'État et de la morale. Ils regardent donc très intéressés vers l'URSS, et en particulier vers Léon Trotsky. Mais en France, l'arme dont ils disposent, c'est le scandale. Ils attirent leurs ennemis dans des provocations comme on agite un chiffon rouge devant un taureau. Et une fois la société réactionnaire tombée dans le piège, ils lui plantent dans le dos les couteaux qu'ils peuvent. Autant de banderilles plantées dans les cuirs épais des certitudes bourgeoises. André Breton désigne les cibles en 1951. Ces entraves étaient de l'ordre de la logique, de l'ordre de la morale, sous forme de tabous sexuels et sociaux, de l'ordre enfin du goût, régi par les conventions sophistiques, du bon ton, peut-être les pires de toutes. Ce prétendu sens critique dont, bon gré mal gré, nous avions hérité comme les autres, nous constations que son rôle à notre époque était de freiner toute spéculation intellectuelle de quelque envergure. Dans ce sens critique qu'on nous avait appris à cultiver à l'école, nous étions d'accord pour voir l'ennemi public numéro un. Et puis le cinéma est un nouveau média qui intéresse beaucoup les surréalistes. Parce que l'image va aussi vite que l'esprit et qu'elle peut reproduire ses associations d'idées. La toile peut donc montrer les rêves. Mais le cinéma surréaliste a une définition précise. C'est le poète Lautré Hamon qui la donne. Un film surréaliste doit être beau comme la rencontre d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection. Comprenez par là, un film surréaliste, c'est l'association d'objets qui n'ont rien à voir, comme dans un rêve. Alors, c'est tout naturellement que cette petite bande exaltée applaudit tant qu'elle peut devant un chien andalou, dont voici les premières lignes du scénario. Prologue. Il était une fois. Un balcon dans la nuit. Un homme aiguise son rasoir près du balcon. L'homme regarde le ciel au travers des vitres et voit un léger nuage avançant vers la lune qui est dans son plein. Puis une tête de jeune fille, les yeux grands ouverts. Vers l'un des yeux s'avance la lame d'un rasoir. Le léger nuage passe maintenant devant la lune. La lame de rasoir traverse l'œil de la jeune fille en le sectionnant. Fin du prologue. Être Dieu qui n'est pas une blasphème, mais au contraire, cette possibilité de que vraiment Dieu forme part de notre moindre substance, pas seulement animique, mais même matérielle. Buñuel et Dali étaient surréalistes sans le savoir. Breton les invite donc dans la bande comme une intronisation dans le club. Ils sont conviés au café Cyrano, où le groupe a ses habitudes, devant le Moulin Rouge. Ainsi, Buñuel rencontre l'Allemand Marx Ernst, le Belge Magritte, celui qui n'est pas une pipe, le Roumain Zara, et voilà Buñuel, cet Espagnol de 29 ans, admis, invité même, dans la bande des artistes révolutionnaires parisiens. Un groupe qui lui va comme un gant, lui qui déteste l'armée, le colonialisme et par-dessus tout la religion. Buñuel a été élevé dans un collège de jésuites. La religion, il la déteste, mais elle le fascine et lui inspirera ce subtil aphorisme « Grâce à Dieu, je suis athée ». Avec les surréalistes, il veut s'en prendre à toute cette morale. Mais pas simplement pour la provoquer, non, pour transformer le monde et changer la vie. C'est le credo des surréalistes. Après le triomphe d'un chien andalou, Buñuel vend son film à une toute nouvelle salle, le Studio 28, à Montmartre. Il reste à l'affiche pendant 8 mois, toujours dans une salle comble. C'est le premier succès de Buñuel. Sauf que du succès, un chien andalou en a trop. Et c'est le contraire de ce que veulent les surréalistes, parce que réussir, c'est le signe qu'on est conventionnel. Alors Buñuel est convoqué chez Breton. Le rendez-vous tourne au procès. L'écrivain lance au cinéaste, les yeux dans les yeux. Luis, êtes-vous avec la police ou avec nous ? Bon, c'est un peu combinatoire, mais Buñuel comprend qu'il est temps de faire un nouveau film, et cette fois, de tout faire pour qu'il ne plaise pas. Ce sera l'âge d'or. Cherchant notre chemin, on s'était arrêté. Dans une ville éventrée, le monde s'embourbait. Dans les rues encombrées, poursuivi par des averses sans fin, vite nous nous sommes engouffrés dans une bouche de métro édentée, un escalator mécanique désarticulé. On se pressait dans la mêlée sans s'entendre ni se parler. Le flot flou de la foule, le flot flou de la foule, le flot flou de la foule, le flot flou de la foule. Comme un intestin, on a suivi les gens dans l'air moite, le fracas, tout devenait flippant. À coups de pelle mécanique frénétique, les bulldozers au-dessus nos têtes défonçaient les chaussées décrépites. L'âge d'or a été fait aussi pour... parce que le groupe surréaliste n'a pas trouvé très bien que le film ait un succès. Bien sûr, naturellement. Alors là, nous avons... j'ai voulu faire un autre film en prévoyant ou en évitant toutes les possibilités du succès. C'est-à-dire en écartant soigneusement toutes choses qui étaient belles ou bien... ou... enfin, j'ai recherché les choses qui pouvaient nuire les publics. Oui, vous n'y avez pas tout à fait réussi. Mais je dois dire qu'en effet, vous avez obtenu ce que vous cherchiez. L'âge d'or a été un insuccès. Paris 1929. Après un film seulement, Buñuel est déjà considéré comme un cinéaste d'exception. Mais il doit sa gloire à sa mère. Oui, c'est elle qui a payé son film. Mais pour le suivant, hors de question qu'il lui redemande, question d'honneur. Bien, mais où trouver les fonds ? Aucune société de production ne financera une bizarrerie surréaliste. Il le sait, il faut trouver autre chose. L'ironie, c'est que l'œuvre la plus scandaleuse de ce mouvement artistique, celle qui attaquera le plus violemment la bourgeoisie, l'Église, l'État, toutes les vieilles structures à abattre, c'est l'âge d'or, qui sera financé par un descendant de l'une des plus vieilles familles françaises, qui a donné 22 ducs, un cardinal, un amiral et 4 maréchaux de France, les Noailles. Ils se transmettent les titres de noblesse depuis le XIIIe siècle. Pourtant, Charles, le vicomte de Noailles, parle avec l'accent britannique. D'où le tient-il ? Mystère. En tout cas, il n'a pas suivi la carrière ecclésiastique ou militaire de ses aïeux, et c'est comme un signe. D'ailleurs, et contrairement à ceux de sa condition, il n'est pas peintre. Avec sa femme, Marie-Laure, ils dépensent leur rente en tableaux, en sculptures, en expos. Ils sont mécènes. Ils font connaître les compositeurs Stravinsky, Francis Poulenc, les écrivains René Char, Desnos, Bataille, César aussi, le sculpteur aux compressions. Et ils se font projeter un chien andalou dans leur hôtel particulier. C'est exquis, c'est délicieux, disent-ils. Il se trouve que Charles a l'habitude d'offrir un film à sa femme pour son anniversaire. Très classe tout de même. Finalement, pour les 28 ans de la vicomtesse, ce ne sera pas un film, mais deux. Les Noailles proposent 700 000 francs à deux jeunes cinéastes. L'un s'appelle Jean Cocteau, l'autre, Louise Buñuel. Ce dernier se moque d'abord de ces gens, des stéréotypes de l'aristocratie mondaine. Alors il refuse leur argent. Mais Breton connaît les Noailles. Et il sait le bien qu'ils font à l'art surréaliste. Alors Buñuel se laisse convaincre. Charles de Noailles raconte sur France Culture en 1980. À ce moment-là, à une petite salle qui était là-bas près du Panthéon, où on donnait des films, nous avons été voir projeter le film qu'il avait fait avec nous. Et là, on donnait en même temps un autre film qui s'appelait Le chien andalou. C'était Buñuel. C'était de Buñuel, dont on ne connaissait pas le nom. Voilà, enfin, c'est quelque chose de nouveau et d'intéressant. J'ai demandé à Buñuel de faire un petit film. À Noël 1929, Buñuel repart donc chez Dali pour écrire un nouveau scénario. Enfin, pas tout à fait. Dali s'est fait chasser de la maison familiale après avoir écrit sur l'une de ses toiles « Je crache par plaisir sur le portrait de ma mère ». Un peu comme le « Mother, I want to fuck you » de Jim Morrison avec les Doors dans « The End ». Les deux amis vont donc se réfugier dans la maison de vacances des Dali, dans le petit port de Calacoès. Buñuel a noté quelques scènes dans un carnet. Une charrette remplie d'ouvriers qui passent dans un salon. Un père qui tue son fils à coups de fusil. Dali, lui, a une idée générale. L'amour fou qui se heurte, dit-il, au misérable mécanisme de la réalité. Voilà pour l'idée du film. Mais la coopération ne fonctionne plus. Buñuel et Dali ne sont d'accord sur rien. L'amitié n'y est plus tout à fait. Alors Buñuel part écrire seul dans la résidence de Noailles, dans le Var. Chaque soir, il leur lit ce qu'il a écrit. Des scènes toujours plus incongrues, plus irrécupérables, plus violentes. Dis-moi maman, est-ce que papa est rentré ? Oui, il est dans la pharmacie. Ensuite, il ira dans sa chambre s'habiller pour la réunion. Ah tu sais, nous sommes sortis ce matin ensemble. Et nous en avons engagé déjà 4. Il y en avait un petit qui chantait comme les autres et il avait une petite moustache. Avec ces musiciens, nous en aurons largement assez. Mais nous pourrions peut-être placer les invités plus près de l'orchestre. Qu'est-ce que tu penses ? Et chaque soir, les Noailles, ravis, vont dans l'heure. C'est exquis, c'est délicieux. Buñuel trouve le titre. Ce sera l'âge d'or, parce qu'avec les lettres de âge et or, on peut écrire orage. Il parle de l'écriture du film en 1964. C'est une liberté totale. C'était la nouvelle vague. Beaucoup de liberté totale. J'étais contre la technique, contre l'art, contre les plans soignés, tout ça. Alors la chose qui m'intéressait, c'était raconter quelque chose, n'importe comment. On a dit après, on ne peut pas trouver du cinéma, c'est pas de l'art, c'est horrible. Ça nous plaisait beaucoup, justement. L'Assemblée internationale de bienfaisance vous nomme son haut délégué pour cette nouvelle mission. Seulement de votre haut esprit de sacrifice, de votre valeur éprouvée, dépend la vie de centaines d'enfants, de femmes. La vie de centaines d'enfants, de femmes et de vieillards. Et ainsi resteront exaltés notre honneur et celui de la patrie engagé dans une si haute et bienfaisante entreprise. En 1930, le premier numéro de la revue Le Surréalisme au service de la Révolution publie des photos du film en avant-première. Un archevêque embrasse une femme qu'il tient par le sein. une autre a les doigts d'un homme dans la bouche, et sur une autre encore, elle embrasse les orteils d'une statue. L'âge d'or est projeté une première fois chez les Noailles, puis il est diffusé en public au cinéma du Panthéon le 22 octobre 1930. Les Noailles accueillent leurs invités à l'entrée. Les Malraux, André Gide, Drieu La Rochelle, Christian Dior, Max Jacob, ils sont là, tous au rire, partagent quelques bons mots, puis entrent dans la salle. La lumière s'éteint, l'âge d'or commence, puis les spectateurs se décomposent. C'est l'histoire de deux amants qui essaient de faire l'amour, mais la société bourgeoise et sa trinité famille, patrie, religion les en empêchent par tous les moyens. On voit un homme se rouler dans la boue avec un bruit de chasse d'eau, puis renverser un aveugle. Des squelettes d'archevêques abandonnés au soleil, une vache vautrée sur un lit, le ministre de l'Intérieur collé au plafond avec une balle dans la tête, un évêque et une girafe défenestrée, un homme tuer son fils sous les yeux indifférents d'un salon monde. Puis ce même salon le voit s'indigner quand l'une des leurs se fait gifler. Et les deux amants échangent ces quelques mots scandaleux. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. La patrie peut vous être reconnaissante, canaille. Vous êtes seul le responsable et l'assassin. On n'a pu sauver aucun enfant. Les vieillards honorables, les femmes innocentes ont péri. C'est pour cela que tu me déranges ? Et d'aller au diable des mômes. Tu peux crever, je m'en contrefous. Le film se termine sur une représentation de l'orgie meurtrière des 120 journées de Sodome du Marquis de Sade, dont l'organisateur ressemble très fortement à Jésus. En vérité, ce film montre la société telle que les surréalistes la voient, bête, cruelle et perverse. Les lumières se rallument, les spectateurs sortent en passant froidement devant les Noailles. Pour certains, c'est la circonspection, pour beaucoup, l'indignation. Ils avaient pourtant été prévenus dès le prologue. On y voyait les scorpions accompagnés d'un texte qui disait « Quelle rapidité foudroyante et quelle virtuosité dans l'attaque !» Malgré sa fureur, même le rat succombe à ses coups. Buñuel et les surréalistes ont fait comme le scorpion. Leur attaque n'a pas raté sa cible, le conformisme. Le lendemain, le vicomte de Noailles est exclu du Jockey Club, summum de l'aristocratie française. Puis le bruit court qu'il a été excommunié. Mais malgré un début scandaleux, l'âge d'or est projeté un mois plus tard, le 28 novembre, au studio 28. Pendant 6 jours, le film est joué devant une salle pleine, jusqu'au 3 décembre. Ce jour-là, au 6e de la projection, il n'y a plus que des spectateurs ordinaires dans la salle, dont tout de même Maurice de Rothschild, qui a pris place au balcon. Buñuel, lui, est loin, à Hollywood, et la Metro-Goldwyn-Mayer lui a offert un poste. Dans le hall, les peintres surréalistes ont exposé leurs toiles. Le film a commencé depuis 30 minutes. On voit un chauffeur poser un ostensoir par terre, frôlé par une femme aux jambes nues. Quand soudain, des hommes entrent dans le cinéma. Ils sont des dizaines. Ils balancent des boules puantes, des fumigènes et de l'encre sur l'écran. Et ils hurlent. On va voir s'il y a encore des chrétiens en France. Mort aux juifs. Maurice de Rothschild descend du balcon, terrifié, croyant un pogrom. Dans le hall, les toiles de Dali et de Max Ernst sont lacérées. André Breton souvient. Je revois encore, c'était le matin du 4 décembre 1930. Le studio 28 où passait l'âge d'or. Dans l'état où les manifestants de la veille au soir l'avaient laissé, l'écran souillé de taches d'encre, les fauteuils rageusement brisés, les tableaux surréalistes dont une exposition avait lieu dans la salle d'entrée, un à un lacérés à coups de couteau. Ces exploits étaient le fait de deux associations qui se proclamaient la Ligue des Patriotes et la Ligue anti-juive. On pouvait mesurer là, des visus, la profondeur d'abîme qui nous séparait des bien-pensants, ou prétendus tels. Ces hommes font partie de la Ligue anti-juive et de la Ligue des Patriotes. Ils sont ulcérés par ce film et par ces artistes qui ne peuvent être que des dégénérés. Ils sont aussi chauffés à blanc par les résultats impressionnants du parti nazi en Allemagne, devenu en septembre le deuxième parti de Reichstag et qui donne des envies en France. Certains sont arrêtés par la police. On découvre qu'ils sont jeunes, il y a des fils d'ouvriers comme des fils de bourgeois, des garçons sans histoire. Ils sont relâchés presque immédiatement, sans qu'il n'y ait aucune suite. Le 4 décembre, le lendemain donc, l'âge d'or est un scandale national. Les catholiques s'offusquent, la presse de droite et d'extrême droite s'indigne, comme l'Ami du Peuple, l'Action Française et le Figaro, qui le 7 décembre publie une lettre ouverte au président de la censure. Monsieur le Président, un scandale sans précédent se déroule chaque soir au studio 28. Et cela, avec l'acquiescement du service de censure que vous présidez. Un film intitulé « L'âge d'or », auquel je défie quelques techniciens autorisés de reconnaître la moindre valeur artistique. Il multiplie en spectacle les épisodes les plus obscènes, les plus répugnants, les plus pauvres. La patrie, la famille, la religion y sont traînés dans l'ordure. Un ostensoir est posé près du ruisseau, frôlé par les jambes de femmes haut troussées. Le Christ y est présenté sur un air de Paso Doble comme le principal organisateur de la plus bestiale des orgies. Je cite textuellement les sous-titres du film. Quel est parmi vos collaborateurs le responsable de cette extorsion de visa ministériel? Le pays a le droit de savoir. L'humanité et le populaire, au contraire, défendent le film et conspuent les manifestants, des fils à papa brutaux, imbéciles et vauriens, écrit le populaire. Le Figaro réplique, L'âge d'or est un film obscène, injurieux. C'est l'œuvre en plein Paris du bolchevisme intellectuel, de la propagande de Lénine. On se demande si ce film, ou plutôt cette lamentable cochonnerie, est plus ignoble que stupide. Et voilà le Figaro qui prend la défense des manifestants antisémites en écrivant, je cite, « Les manifestations que l'âge d'or a déjà suscitées ne furent pas seulement légitimes. Elles apparaissent comme l'instinctive défense des honnêtes gens contre une entreprise où je n'hésite pas à discerner l'influence satanique. » Les surréalistes ont visé juste. L'âge d'or est une ligne de clivage parfaite entre la droite et la gauche, entre les cléricaux et les laïcs, entre les réactionnaires et les révolutionnaires. Les surréalistes obtiennent le scandale qu'ils cherchaient et lisent avec délectation les articles indignés, dont, par exemple, celui de l'Écho de Paris qui écrit « Disons tout de suite que cette production, entre guillemets, est d'un ennui écrasant. Ce pensum prétentieux et mort n'a aucun rapport ni avec l'avant-garde ni avec l'art tout court. » Ou la lettre au préfet de police Jean Quiap, parue dans le Figaro le 10 décembre. Le Figaro a déjà signalé, comme il convenait, l'intolérable scandale qui a lieu chaque soir dans la salle d'un cinéma montmartrois d'avant-garde, dont une production stupide, qui n'a rien à voir avec l'art futuriste ni avec l'art tout court, transforme l'établissement en centre pornographique. Son maintien équivaudrait, de la part des pouvoirs publics, à une véritable complicité dans l'œuvre de bolchevisme intellectuel dont un tel scénario marque, en plein Paris, une étape particulièrement ignoble. L'écran de la rue Tolosé doit être nettoyé sans délai des visions qu'il offre, sinon nous croirons que l'attentat aux mœurs ne constitue plus un délit. Allons, monsieur Quiap, un coup de balai, vous le pouvez, vous le devez. Le lendemain de cette publication, la commission de censure, pressée par le préfet de police, interdit l'âge d'or. Le 12 décembre, la police entre au studio 28 et saisit les bobines. Voilà le scandale des surréalistes achevé. Leur film a révélé l'alliance de la société réactionnaire, l'église, les ligues, la police et l'extrême droite. Le petit Oradé écrit « L'âge d'or, l'âge d'ordure, devrions-nous dire, a quitté l'affiche. Ouf !» Les surréalistes de leur côté défendent leur film de toute leur force. L'âge d'or, écrit Breton, et la liberté prônée jusqu'au délire. Avec Aragon, Dali et Lehar, Manet et les autres, ils signent un nouveau manifeste. L'historien Georges Sadoul, surréaliste lui aussi, raconte en 1964. Quelle était l'attitude du groupe surréaliste devant ces manifestations et devant la mesure prise à l'encontre du film? Ah ben, nous avons protesté très vivement, nous avons fait un manifeste que voici. Depuis quand n'a-t-on pas le droit en France de mettre gravement en question la religion, ses fondements, les mœurs de ses représentants, etc.? Depuis quand la police est-elle au service de l'antisémitisme? L'emploi de la provocation pour légitimer une intervention ultérieure de la police n'est-il pas le signe de la fascisation? Cette intervention se faisant sous le prétexte de protéger l'enfance, la jeunesse, la famille, la patrie et la religion, peut-on un instant prétendre que cette fascisation évidente n'a pas pour but de détruire tout ce qui tend à s'opposer à la guerre qui vient, et très spécialement à la guerre contre l'URSS? Dans ce manifeste, les surréalistes ajoutent « Il faudra trouver un cataclysme lointain pour trouver à quoi comparer les temps modernes. L'âge d'or devrait être vu. » Mais pendant plus de 50 ans, jamais plus ce film n'est projeté dans une salle de cinéma. Grand bond à l'avant, nous sommes en 1981. François Mitterrand est élu président de la République et Gaumont profite du moment pour obtenir la fin de l'interdiction de l'âge d'or. Le vicomte de Noailles est mort en avril, un mois plus tôt. Et le film qu'il a produit ressort au cinéma 51 ans après le scandale. Entre-temps, les ligues ont été dissoutes par le Front Populaire, il y a eu une guerre mondiale, une révolution sexuelle en 68, et Buñuel est devenu une référence du cinéma, après avoir fait scandale partout où il est passé, au Mexique et dans l'Espagne de Franco. En 81, les amateurs se ruent dans les trois salles parisiennes qui proposent l'âge d'or et regardent ce film qui, en 1930, avait fait scandale comme aucun autre. Et là, stupeur, l'œuvre n'a plus grand-chose de scandaleux. Les archevêques morts ne choquent plus, pas plus que l'homme qui tire sur son fils ou que Jésus qui sort d'une orgie. Les thèmes des surréalistes ne font plus scandale. Buñuel, Aragon, Éluard, Prévert, Breton, Dali, Cocteau et les autres sont maintenant des classiques. Alors, la révolution sera-t-elle devenue consensuelle? Oxymore un peu gênant. Mais tout espoir n'est pas perdu si l'on s'en réfère à cette phrase de Buñuel, déjà citée dans le récit mais dont on ne se lasse pas. Grâce à Dieu, je suis devenu athée. Parce que t'as les yeux bleus, que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu, parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant. Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolé un instant, prêt à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme une enfant gâtée qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que j'ai trop d'amour, tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil et fais pleurer mes jours. Parce que je n'ai que toi, mon cœur est mon seul maître. Et maître de mon cœur, l'amour nous fait la loi. Parce que tu vis en moi et que rien ne remplace les instants de bonheur que je prends dans tes bras. Je ne me soucierai ni de Dieu ni des hommes. Je suis prêt à mourir si tu mourrais un jour. Car la mort n'est qu'un jeu. Comparé à l'amour, et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au seuil d'un amour éternel, je voudrais que mon cœur ne porte pas le deuil. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'âge d'or de Louise Buñuel. Notre invité, Dominique Rabourdin. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais demander de vous mettre bien devant le micro. Voilà. Vous êtes critique de cinéma, auteur du livre Cinéma surréaliste, paru en 2017 chez Jean-Michel Place. Quand avez-vous vu l'âge d'or pour la première fois? J'ai vu l'âge d'or pour la première fois à la Cinémathèque française, puisque Henri Langlois avait obtenu du vicomte de Noailles une copie de l'âge d'or, et que Buñuel, qui lui-même était très très proche de la Cinémathèque, avait donné du matériel à la Cinémathèque. Donc l'âge d'or, en fait, passait régulièrement à la Cinémathèque. Ouais. Simplement, comme le film était toujours interdit par la censure, c'était pas annoncé vraiment. Il y avait juste... moi, j'ai vu le film vers 1966 ou 67, là. J'étais encore assez jeune. Et on savait, il y avait un bouche à oreille qui fonctionnait, et on savait que sous il y avait, dans les programmes, il était annoncé les films d'avant-garde des années 20, et on savait que dans ce programme, il y avait l'âge d'or. Mais ça ne pouvait pas être annoncé officiellement. Ah oui. Et alors, quelle a été votre réaction? Ah ben moi j'ai trouvé ça formidable. C'était un film mythique, c'était devenu une légende, L'Âge d'or. Depuis sa sortie et son interdiction en 1930, il s'est quand même passé du temps où le film a quand même été vu assez régulièrement, parce qu'il y avait des copies à droite et à gauche, il y avait des projections qui s'organisaient, quand les surréalistes allaient faire une exposition, je sais pas, au Mexique par exemple, il y avait une copie de L'Âge d'or dans un sac, et on faisait des projections, donc le film ne pouvait pas être montré officiellement en public, mais il était montré dans les différentes manifestations du surréalisme, et il était devenu totalement légendaire. Est-ce qu'il vous a plu parce que il a aiguisé votre curiosité, il était devenu légendaire, ou est-ce qu'il vous a plu pour ce qu'il est, ou les deux d'ailleurs, je sais pas. Bah écoutez, quand on voit L'Âge d'or pour la première fois, c'est quand même, surtout quand j'ai un peu plus de 20 ans, mais beaucoup, c'est quand même un choc, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mmh. Je veux dire, la violence de L'Âge d'or n'a pratiquement jamais été retrouvée ailleurs. C'est quelque chose de tout à fait stupéfiant. Donc on est sous le choc quand on voit L'Âge d'or, on est complètement fasciné par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par vraiment la très très très très grande violence et la provocation immense qui est un film comme L'Âge d'or. L'audace. C'est un film qui d'une certaine manière vient de nulle part. C'est pas un film qui a été fait dans les règles habituelles. C'est l'histoire des Noailles qui font un cadeau à Buñuel et qui lui laisse absolument toute liberté pour faire ce qu'il a voulu d'un bout à l'autre. C'est extraordinaire. Et il n'avait pas eu besoin d'argent public pour faire le film. Il a eu l'argent qu'il voulait offert par les Noailles. C'est tout à fait extraordinaire. Mais oui, vous étiez déjà critique de cinéma quand vous avez découvert le film de Buñuel, ou c'était pour votre plaisir? J'étais un spectateur cinéphile très très passionné qui voyait énormément de films et qui est devenu peu de temps après critique de cinéma. Et qui a fait aussi pas mal de reportages sur le cinéma et sur l'art à la radio et à la télévision. Donc, et je me suis rapproché du groupe surréaliste, par exemple. Et mes amis surréalistes qui avaient vu L'Âge d'or à la Cinémathèque prévenaient aussi qu'il y avait telle ou telle projection. Donc, c'est un film, on l'aimait d'avance. Si vous voulez. C'est ça. Quand on le voit, moi quand je l'ai revu en partie récemment là, je trouve qu'il y a quand même des choses extraordinairement gonflées dans cette histoire. Je veux dire, l'utilisation des textes et pratiquement des images des 120 journées de Sodome de Sade, c'est quelque chose quand même d'absolument hallucinant. Pasolini l'a repris aussi après. Hmm? Pasolini a repris ça. Oui, mais très longtemps après. Très longtemps après. Oui. Absolument. Oui. Est-ce que vous pensez que L'Âge d'or a perdu de son caractère scandaleux aujourd'hui, en 2021? Mais il a toujours le même côté scandaleux. La force de la provocation existe toujours, mais c'est un film qui est daté et qui n'a pas la même violence, la même force de provocation qu'un film contemporain. Il y a eu une conversation. Breton raconte une conversation qu'il a eue avec Buñuel en 1955, quand il vient à Paris, il parle avec Buñuel et ils s'assoient tous les deux pour parler. Et à un moment, Breton prend sa voix la plus triste et dit à Buñuel, vous savez, mon cher Louis, il faut se rendre compte d'une chose aujourd'hui, c'est que plus rien ne peut scandaliser. Breton dit ça dès 1955. Mm-hmm. Donc, et L'Âge d'or sera encore interdit presque 30 ans. Ouais. Donc c'est très étonnant. Et puis il y a des tas d'histoires extraordinaires. La postérité de L'Âge d'or, elle est exemplaire. C'est-à-dire que le vicomte de Noailles lègue les copies du film et le matériel à l'État français. Ouais. C'est quand même le but de toute œuvre d'art subversive digne de ce nom. Mmh. Les copies sont à Beaubourg, qui fait une soirée spéciale sur Arte, sur le surréalisme et L'Âge d'or, avec des interviews de tout le monde. La postérité aussi, c'est donc le film est à Beaubourg, et après la mort de Dali, il y a une autre sorte de postérité. Après la mort de Dali, ouais. le directeur de la salle du cinéma du studio 28 revend à Beaubourg le tableau de Dali qui avait été massacré par les ligues anti-juives et les ligues d'extrême droite, qui avait été détérioré et qu'il avait soigneusement fait restaurer, et le vend et qu'il l'achète Beaubourg. Donc tout ça, c'est de la récupération par l'État de tout ce qui était provoquant, insupportable et formidablement poétique et fascinant. Ça rentre dans une sorte d'ordre parce que ça rentre dans les musées. Voilà, on est. Et ça vous gêne, vous, par exemple? Vous dites, je me suis rapproché des surréalistes. Vous définissez comme un surréaliste. Ça vous gêne le fait qu'il y ait récupération, parce qu'on peut considérer que c'est une récupération positive aussi, parce que ça permet au plus grand nombre de s'éveiller à cet art-là, non? Oui, bien sûr. Ah, donc là, quand vous disiez... On peut voir les bons côtés des choses. Oui, c'est ça. Quand vous disiez récupération, c'était pas négatif. Un peu quand même. Les deux, mon général. D'accord. Et alors, pourquoi les surréalistes étaient si obsédés par le scandale? On a donné quelques éléments de réponse dans le récit, peut-être les partagez-vous? Écoutez, je pense que c'est pas spécialement le scandale qu'il recherche, mais ce serait plutôt la provocation, et c'est surtout parce qu'ils ont des comptes à régler avec ce qu'ils trouvent le plus insupportable, c'est-à-dire la religion, Dieu, le catholicisme, les bonnes mœurs, la morale, le capitalisme, la morale, oui. Il réclame une sorte de liberté absolue, et l'âge d'or peut être défendu, est défendu à l'époque par les surréalistes, mais parce qu'ils ont défendu en prenant beaucoup de temps, beaucoup de moyens pour le faire, mais parce qu'ils réclament le droit absolu à la liberté. Ça a été très bien dit dans ce que je viens d'écouter, c'est que la provocation est totale, et elle est recherchée systématiquement, et en toute connaissance de cause. Je veux dire, Buñuel, entre son arrivée à Paris en 1924 et l'âge d'or en 1960, il a commencé à fréquenter les surréalistes, il les a lus, il les a beaucoup lus avec Dali entre 25 et l'âge d'or, donc il fait partie du groupe surréaliste, et même tout à fait, il fait partie du groupe surréaliste, donc il fait ça en toute connaissance de cause, et c'est un film d'inspiration totalement surréaliste, et s'il n'y avait pas eu le surréaliste, Buñuel n'aurait pas fait l'âge d'or. Bien, on va se retrouver dans deux petites minutes, après avoir écouté Pixies de Baïssa. Sir! Dominique Rabourdin, revenons sur le rapport que les surréalistes entretenaient avec le succès. Succès, insuccès, en un mot. Comment on explique ce rapport-là, qui est très original? Et que le succès devient presque rédhibitoire. Non, ce qui compte, ce n'est pas le succès. Et dans le cas de l'âge d'or, ce qui compte, c'est l'existence du film, mais c'est pas son succès commercial, parce que il y en a pas besoin du succès commercial, le film ayant été entièrement financé par un mécène, il s'agit pas de gagner de l'argent avec ce film. Donc, c'est un film d'une liberté absolue qui n'aurait pas existé si ça avait pas été produit, organisé et écrit dans des conditions de liberté absolue. C'est ça qui est fascinant dans l'âge d'or. C'est le côté unique de ce film. C'est une bombe et qui n'a pas fini d'exploser. Donc, si on la voit actuellement à la télévision, ça existe en DVD par exemple. On reste sidéré par la virulence de ce film. C'est tout à fait fascinant. C'est le film le plus purement surréaliste qui ait jamais été écrit et réalisé. D'accord. Bon, je fais confiance à vous qui êtes un spécialiste du surréalisme. Je prends l'information sans aucune nuance. On l'a vu dans le récit, le poète Lautréamont dit qu'un film surréaliste, ça doit être beau comme la rencontre d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection. Aidez-nous à comprendre ça. La phrase de Lautréamont est une phrase extrêmement célèbre, oui. Qui a été utilisée par les surréalistes, en particulier quand ils ont créé des cadavres exquis, si vous voulez. Oui. Donc c'est la liberté d'associer les éléments les plus divers et de leur donner une force et une portée inattendue. Mais évidemment, le surréalisme, c'est réunir ce genre d'éléments, c'est placer tout ça sur la table de dissection et créer un choc qui en foutra plein la vue aux spectateurs. Et c'est pas forcément un scandale, mais c'est un choc. Voilà. Qui peut entraîner une libération. Mais on cherche à nous secouer pour nous libérer, en fait. Oui, on secoue vraiment, là. Le cinéma est un médium important, un support important pour les surréalistes, parce qu'il y a aussi la peinture, je pense à Magritte, il y a la littérature, je pense à Breton et bien d'autres. Le cinéma, vous pensez que c'était le support le plus fort pour faire passer l'idée du surréalisme? Le cinéma est un des supports les plus forts, même si l'évolution du cinéma a fait qu'il y a eu de moins en moins de films comme L'Âge d'or, et que le seul film totalement surréaliste de l'histoire du cinéma, c'est L'Âge d'or. Après, il y a eu énormément de films qui ont été absolument poétiques et défendus par les surréalistes, aimés par les surréalistes, qui ont créé des chocs. Il y en a énormément. Je sais pas, je pense par exemple dans des registres extrêmement différents. L'année dernière à Marianne Bad de René qui a secoué tout le monde. Il y a l'horreur de Murnau, par exemple, qui est un film muet extraordinaire. Il y a Fantomas, tous les épisodes de Fantomas. Tout le cinéma, lorsqu'il est fait dans une liberté totale et qui ne se refuse rien, peut être revendiqué par les surréalistes. Mais il se trouve que le seul film, je crois, totalement et surréaliste et conçu comme un film surréaliste, c'est L'Âge d'or. Ah, décidément, c'est vraiment la matrice, hein, le nec plus ultra. Dans la suite de sa carrière jusqu'en 1977, alors son dernier film s'appelle de Buñuel, hein, il est très connu, cet obscur objet du désir. Est-ce qu'on peut considérer Buñuel encore comme un surréaliste avec ce film? Ah ben, Buñuel n'a pas cessé d'être surréaliste dans tous ses films, même quand il fait des films au Mexique dans des conditions matérielles assez sommaires, il fait des films extraordinaires. Il y a toujours chez Buñuel, je veux dire, un refus de trahir quoi que ce soit, une volonté de liberté et de provocation qui éclate dans tous ses films. Je veux dire, ça va du journal d'une femme de chambre à celui-là, celui qu'on vient de citer, parce que c'est cet obscur objet du désir. Hein, oui, bien sûr, c'est formidable. Mais ce sera le mot d'enfin, c'est formidable, Dominique Rabourdin. C'est formidable, ça reste formidable. Ça reste formidable, merci Dominique Rabourdin. Je rappelle les coordonnées de votre livre, Cinéma surréaliste, paru en 2017. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, L'Âge d'or de Louise Buñuel, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Et je devrais dire même de cette année, depuis août dernier. Récits documentaires, Jeanne Maillard, Bettina Lioré, Marjolaine Corr et Romain Weber, en tout cas pour cette semaine. Attaché de production, Rebecca Donante, coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Lauriane Tout le monde, Coy Nguyen, Benjamin Riquet et Stéphane Combe.